suis sûre, je suis sûre. On vient pour nous baisser à palais, dans sa carotte vous malhérez. On vient surtout pour baisser, que douter ça pas bien grave. On vit que voir et te plaire, sauf si la teigne y en bon Dieu. On vit que ou pas j'en oublie que la vie, j'abat nous, mon surprise et foi. Chima qui mauvais, aïe ni personne qui s'aide. Remonter sur ta belle à oublier, prêcher, qu'à soulager des fois. Oh, soulager des fois. Je suis sûre, je suis sûre. Thank you.